aujourd'hui l'Église. Aujourd'hui l'Église. Aujourd'hui l'Église. Aujourd'hui l'Église, un magazine présenté par Étienne Lorailleur. Bonjour, n'avez-vous jamais eu la sensation d'être un peu au paradis en assistant à un office de la liturgie orthodoxe? Eh bien, dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous propose de plonger dans cette liturgie mystérieuse, en tout cas pour ceux qui la connaissent pas, mais le mystère prend une place importante, on va le découvrir dans la liturgie orthodoxe, et d'en connaître certains aspects de l'intérieur, parce que c'est vrai qu'on est fasciné devant les icônes, le chant orthodoxe, la gestuelle, tout un univers qu'on comprend pas aisément. Bogdan Florin Vlaïkou, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, animateur de l'émission L'Église orthodoxe, aujourd'hui sur notre antenne le dimanche à 17h, et vous allez nous accompagner dans cette émission pour questionner les invités. Nos invités, le père Nicolas Tchernokrak. Bonjour père. Bonjour. Archiprêtre, curé, recteur de la paroisse Saint-Séraphin de Sarov, dans le 15e à Paris, rue Le Courbe. À vos côtés, Grégoire Aslanoff, bonjour. Bonjour. Historien de l'art au CNRS, peintre d'icônes. Cela vous satisfait, père, quand vous entendez l'éloge de la liturgie orthodoxe, d'une certaine manière? Liturgie orthodoxe. Liturgie, c'est l'œuvre, ce que le peuple croyant peut offrir à son Dieu. Donc, c'est une participation, je dirais presque, dans ce que nous appelons, dans notre langage liturgique, théologique, spirituel, dans ce qui est le royaume de Dieu. N'est-ce pas, cet espace, ce temps où Dieu règne au milieu de son peuple. Donc, liturgie, c'est quelque part ça. C'est un bout de ciel, finalement. Oui, évidemment, il y a l'échelle entre le ciel et la terre. Et la liturgie, c'est un langage symbolique qui réunit justement ces deux dimensions. Dimension, ce qui est visible, donc à travers notre topographie, à travers tout ce qui est matériel, visible, saisissable, et donc ce qui est invisible, donc ce qui est Dieu, mais qui est cet invisible, qui n'est pas une sorte de métaphore, mais la spiritualité est aussi visible comme les choses visibles. Donner à voir l'invisible d'une certaine manière, hein. Ça correspond bien à tout le mystère des icônes. Hein. Oui, je crois que de toute façon, la liturgie est une affaire d'image, parce que comme l'a dit le père Nicolas, on pourrait dire on se greffe sur lorsque on célèbre la liturgie sur terre dans nos contingences, on se greffe sur la liturgie céleste qui se célèbre elle de toute éternité, qui est Dieu est servi par les anges et les saints dans l'éternité, qui est dans un autre temps. Donc il y a ce qu'on célèbre sur la terre et ce qui se célèbre déjà dans les cieux, qui est comme un reflet. On pourrait dire se greffer comme ça. C'est donc l'idée est très forte dans toute la tradition orthodoxe que la liturgie terrestre est le reflet de la liturgie céleste. Et c'est exactement comme pour l'icône, parce que l'icône essaye d'exprimer cette union de Dieu et de l'homme à travers la représentation du Christ, qui est celui qui unit le plus fortement l'homme et Dieu, mais aussi des saints qui sont parvenus à cette union. Et donc il y a comme ça un lien organique entre l'icône et la liturgie. Je pense que l'icône n'est pas juste un décor pour orner la maison de Dieu. C'est important aussi cet aspect, mais ce n'est pas seulement ça, c'est, je crois, vraiment un lien organique avec une fenêtre sur l'invisible, d'une certaine manière. On peut effectivement cette image, parce que on voit par anticipation le royaume des cieux, et l'icône veut exactement représenter la même chose, puisqu'elle représente les saints avec donc c'est citoyen du royaume. Est-ce que vous pensez, Grégoire Aslanoff, que c'est la raison, cette quête, c'est la raison qui explique l'attrait aujourd'hui qu'on a pour les icônes dans notre culture occidentale, y compris même dans les liturgies et les prières catholiques? C'est possible. Je crois que le sujet de la, enfin, c'est tout un sujet, tout un thème d'essayer d'aborder, de comprendre comment l'icône est comprise. Reçu en Occident, c'est un thème qui réclamerait une émission entière, je crois, parce que c'était un phénomène très complexe, divers. Mais je pense que, en fait, si on plonge dans les racines de l'Occident, en tout cas avant l'art gothique, je pense qu'il n'y a pas de différence entre les icônes et l'art roman ou paléo-chrétien. C'était la même théologie, je crois que c'est la même expression, donc c'était la même, aussi la même façon de le vivre. Mmh. Peut-être avec des spécificités à Byzance, parce que, bon, à cause de l'histoire et des questions qu'on s'est posées sur les icônes, il y a une spécificité. Et puis, à un moment donné, un divorce, on peut l'appeler comme ça, et l'Occident qui prend une autre voie, surtout au moment du gothique. Je crois qu'avant, c'est la même chose, ça c'est les racines. Et alors maintenant, il y a une découverte, effectivement, par l'Occident. Maintenant, quelle est-elle? Je crois qu'elle est très diverse, selon les sensibilités, et, mais souvent, enfin, peut-être qu'on... Ce que peut constater en tout cas un orthodoxe, c'est que parfois elle est un peu détachée justement de son environnement organique. Parce qu'il peut surprendre des orthodoxes parfois, hein, de se dire mais pourquoi ils ont mis une icône ici et comme ça. Voilà, elle est un petit peu détachée de son contexte liturgique justement. Alors justement, on va peut-être donner quelques repères, Bogdan, sur la liturgie orthodoxe. On parle de liturgie, mais c'est très vaste. Hein, de quoi s'agit-il précisément? Justement, pour les orthodoxes, le mot liturgie désigne plutôt ce qui correspond à la messe latine. La divine liturgie. On appelle la divine liturgie, qui pour l'Église orthodoxe est l'expression de la juste louange chrétienne et qui constitue le cœur de la vie ecclésiale et qui traduit la vision théologique, morale et spirituelle de l'Église orthodoxe, mais tout en reflétant les particularités linguistiques et culturelles de chaque peuple. Parce qu'il faut dire aussi que dans la liturgie orthodoxe, il y a une grande variété. Parce que l'Église orthodoxe est une Église très inculturée, très acculturée à chaque peuple. Il s'agit surtout de la langue et de la musique utilisées pour les prières liturgiques, car le culte est le même pour tous les orthodoxes. Si le chant monodique byzantin se retrouve dans le culte de la plupart des églises orthodoxes locales, l'Église russe a développé un chant tétraphonique qui se rapproche davantage de la polyphonie occidentale. Et on aura l'occasion d'écouter, même pendant cette émission, ces deux manières de chanter dans l'Église orthodoxe. D'ailleurs, dans l'émission que j'anime ici, l'Église orthodoxe aujourd'hui, j'essaie justement de présenter cette variété, cette pluralité du chant orthodoxe. Et comment se présente la liturgie, la divine liturgie, Bogdan? Concrètement, est-ce que cette divine liturgie ressemble à la liturgie de la messe latine ou est foncièrement différente? Bien sûr qu'il y a des ressemblances. Naturellement, donc il y a une origine commune, il y a des moments qui sont en commun, même des chants, des hymnes liturgiques qui se rassemblent beaucoup. Mais il y a des particularités pour la divine liturgie. D'abord, c'est une office qui a changé très peu depuis plus d'une millénaire et demi. Parce que l'Église depuis orthodoxe, 1500 ans, c'est la même liturgie qu'on célèbre. On l'appelle toujours la liturgie de Saint Jean Chrysostome ou la liturgie de Saint Basile le Grand. Ce sont des saints docteurs, des saints hiérarques de l'Église qui ont vécu au 4e, 5e siècle. Donc, sont eux qui ont cristallisé la forme de la liturgie qui a très peu évolué par la suite. Donc l'Église orthodoxe a refusé toute tentation de raccourcir cet office. Qui peut être long parfois, hein, suivant les fêtes. Qui dure entre deux heures et demie, ça dépend s'il y a un hiérarque aussi, un évêque qui célèbre, ça peut être plus long. Et parfois on reproche aux orthodoxes la longueur, la durée de leurs offices, mais je pense que pour l'Église orthodoxe c'est très important parce que ça offre la possibilité à chaque fidèle de suivre l'office selon ses moyens, ses possibilités. Pas tout le monde est obligé d'assister du début à la fin, mais il y a toujours des fidèles qui désirent d'assister à tous ces offices. Il y a des fidèles très très liés à l'Église. Alors Père Tchernokrak, aujourd'hui on doit vous dire, mais c'est très long cette liturgie orthodoxe. Qu'est-ce que vous répondez Non, on ne fait même pas cette remarque. Vous savez que même quand on va au théâtre ou quand on regarde un film ou quand on participe dans une chose qu'on aime, le temps n'existe pas réellement. C'est-à-dire que si vraiment la liturgie est une expression de glorification et louange de Dieu, de l'action de grâce à Dieu, et s'il est vraiment bien célébré, et si vraiment, parce que la liturgie c'est une proclamation. C'est-à-dire que l'homme est imprégné, l'homme participe. Donc si l'homme est vraiment participe, et sait exactement où il participe, le temps n'existait pas, franchement. Donc je dirais, liturgie, telle quelle, par exemple, la liturgie de Saint-Jean Chrysostome, pas plus qu'une heure et demie, disons. Mais l'atmosphère de l'église, donc il y a le cierge, il y a les icônes. Oui, c'est souvent d'ailleurs une église un peu obscure. Hein. Et vous savez... oui, en fait, mais c'est déjà, il y a toute la diversité. Il y a les visages des gens qui sont à l'église, qui prient, n'est-ce pas? Et je pense qu'au moment où vous entrez dans un espace qui est imprégné d'une atmosphère, de la musique liturgique, de l'icône liturgique et de la prière, donc, je dirais, il y a cette, il y a une nouveauté, je dirais, il y a une nouveauté d'esprit. Et donc, de rester, je dirais, pour liturgie, c'est un véritable repos. Ah, on se repose du monde. Alors justement, je vous propose de rentrer d'une certaine manière dans cette liturgie avec un hymne, un premier hymne qu'on écoute. C'est finalement une antienne du début de la messe. C'est pas tout à fait la première prière, mais cela va nous permettre de rentrer dans cette liturgie, cette divine liturgie. Puis on va parler de tous les gestes au quotidien et puis aussi ces prières hein, autour du prêtre qui célèbre. C'était la deuxième antienne chantée par la chorale Saint-Jean Damasène, deuxième ancienne de la divine liturgie. Hein, voilà, c'est une prière très ancienne qu'on attribue à l'empereur Justinien, donc 6e siècle, fils unique. Et la musique appartient à Maxime Kowalewski, un orthodoxe français d'origine russe, qui a essayé de créer une musique liturgique orthodoxe pour les orthodoxes français. Alors quand on rentre, Père Tchernokrak, dans une église... Pour la divine liturgie, il y a déjà toute une gestuelle qu'il faut expliquer. On a pu être frappé, les occidentaux, par ce signe de croix, ou non seulement ce signe, mais on touche la terre. Vous pouvez nous expliquer ce geste? En fait, vous savez que, la première chose, quand on entre dans l'église, dans cet espace réservé quelque part pour la prière, et évidemment, on a envie de faire le signe de croix, et nous le faisons au nom du Père. Donc, en mettant le trois doigts sous le front. Les trois doigts. Les trois doigts de la main droite. Ouais. En disant au nom du Père, et donc sous le front, pour désigner ce Dieu, le Père de toute humanité invisible. N'est-ce pas, qui est comme nos pensées sont invisibles. Et ensuite, on descend jusqu'au le ventre en disant « et du Fils » pour désigner que le Christ est incarné, c'est-à-dire que Dieu a pris la chair, n'est-ce pas, pour désigner qu'il est, il habite l'homme. Et côté donc droite et du Saint-Esprit, et on termine la main sur le cœur pour dire que l'Esprit de Dieu habite l'homme. Donc c'est déjà, je dirais, la prière qui est très significative pour la tradition orthodoxe. La prière est toujours trinitaire. On invoque le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour souligner cette économie divine pour notre salut. Et donc il y a toujours dans l'Église orthodoxe, n'est-ce pas, la personne qui vient à l'Église, il est membre de l'Église universelle. Il y a cette articulation entre la personne et l'Église dans son ensemble. Mmh. Donc voilà la première chose. Évidemment, on peut s'incliner, on peut aller embrasser ensuite les icônes, justement, et allumer les cierges. Et donc il y a beaucoup de liberté d'ailleurs quand on entre. Bon, après il y a d'autres choses. Oui, d'ailleurs il y a pas de chaises hein, bien souvent, enfin ça dépend des églises. Il y a pas de banc, peut-être pour garder cet espace libre. Certainement aussi pour justement la liturgie orthodoxe est souvent très processionnelle. Ça remonte à vraiment les premiers temps du christianisme. Et donc les bancs gêneraient cette procession. On le retrouve en Occident aussi, mais donc effectivement il y a pas de bancs et on peut se... parce que quand même la prière se fait debout normalement. Et on reste debout tout le long de l'office. Il y a une grande liberté pour ce pendant une heure et demie, deux heures, trois heures au moment des fêtes. Il y a des temps forts où de toute façon tout le monde est debout et puis les personnes âgées ou les enfants s'asseyent. Mais je crois que c'est très important de rappeler que la station debout est vraiment le signe de la prière. Et il faut, parce que le corps participe à la liturgie. Et la liturgie, elle englobe tous les sens. On a vu la vue, l'odorat par l'encens. Oui, l'encens, on a pas parlé de l'encens, effectivement. Et aussi le toucher par la chaleur, peut-être, et aussi, justement, par cette position debout. Hein, on est debout devant le Seigneur. Et parfois incliné si on veut se prosterner par signe alors de repentir. Là, c'est vraiment un geste. Et on s'incline d'une manière régulière d'ailleurs. Hein? Oui, mais il y a pas de règle. Chacun fait un petit peu selon son cœur. Je crois c'est très clair. Et puis aussi il y a des spécificités là plus culturelles peut-être où un grec ne se tient pas à l'église comme un russe par exemple. Mais on se met à genoux ou... On se met à genoux, on fait une prosternation totale jusqu'au le front par terre, ce qu'on retrouve dans la prière musulmane. Mais d'où elle vient cette prière musulmane? Elle vient des premiers temps du christianisme. Ça c'est vraiment le signe de la conversion, hein, de ce qu'on appelle en grec la métanoïa, qui est une sorte de forme où l'être se retourne pour se détacher de ses anciennes habitudes liées au péché, pour se tourner vers Dieu. Et encore une fois, c'est quand on le souhaite, quand le fidèle, dans son cheminement de la liturgie, souhaite s'incliner. Mais en fait, je dirais quand même, il y a, par exemple, le jour de dimanche, étant donné que c'est un jour de la résurrection, comme a dit Grégoire, on se tient debout. Debout, c'est la marche. Donc c'est être prêt, donc c'est le signe aussi de la résurrection. Mais il y a des moments où on peut s'asseoir, par exemple quand on lit tel ou tel passage de l'Écriture pour écouter. Donc ce sont les oreilles ou donc dans la semaine on peut s'asseoir. Mais donc il y a des règles. Par exemple pendant les périodes de carême, donc c'est une autre discipline où la lecture de l'Écriture sainte. Donc voilà. Il y a ces icônes qui sont disposées, et puis surtout, il faut le dire, l'une des grandes différences, peut-être avec les églises latines, c'est qu'on ne voit pas l'autel. Il est derrière. C'est une forme de sanctuaire, si on peut l'appeler comme ça, formé derrière l'iconostase. Alors là encore, des icônes. Oui, en fait. Donc ça, encore une fois, si on fait l'archéologie, au départ, il y avait une barrière peu élevée. Et petit à petit, on s'est mis à poser sur cette barrière, donc cette barrière qui marque la limite entre l'espace de l'autel où se tient le célébrant. Ouais. Non, tout est sacré. On va pas entrer dans ce débat sacré non sacré. Simplement, c'est une question de fonction. Il y a un célébrant, il a sa fonction, donc il se tient devant l'autel pour représenter la communauté. Et la communauté, elle, est dans la nef. Et donc, il faut marquer cette limite à cause de cette fonction, je crois. Du célébrant qui le cœur a sa fonction, le célébrant lui vient effectivement accomplir ce sacrifice eucharistique. Donc à partir de assez vite on s'est mis à mettre des icônes dessus, parce que en fait dans la liturgie il y a rien à voir dans le sacrifice eucharistique, il n'y a rien à voir dans le moment où les dons deviennent corps et sang du Christ, il n'y a rien à voir. Mais en revanche, cette incarnation est manifestée par les icônes. Donc en fait, ce sont les icônes qui nous permettent d'accéder au royaume. Ce ne sont pas forcément les gestes du célébrant. Mmh. En plus, il faut un peu nuancer. Certains iconostases sont très très élevés et ne laissent pas voir grand chose de ce qui se passe dans ce qu'on appelle le sanctuaire, donc le cœur pour des églises latines. Mais d'autres sont beaucoup plus aérés et on peut voir en même temps les icônes et en même temps ce que fait le célébrant. Père Tchernokrak, dans votre église, on vous voit au moment de cette élévation, de la transformation aussi des offrandes en corps et sang du Christ? Ou est-ce qu'on ne vous voit pas, vous êtes complètement caché? Non, on voit. Donc nous avons maintenant, en fait, ça dépend aussi de l'Église. Bruno Courbe, comment c'est? Voilà, dans l'église de Saint-Séraphin, donc tout d'abord les portes saintes, n'est-ce pas, qui sont une ouverture. Oui, parce qu'il y a des portes. On rentre dans cette iconostase. Voilà. Et donc dans beaucoup de nos églises aujourd'hui, on ouvre les portes saintes quand on dit béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc les portes sont ouvertes et on voit. Mais je dirais, en fait, je vais revenir juste sur cette idée de l'iconostase. L'iconostase, ce sont les fenêtres. Ah, ce sont les fenêtres. C'est vraiment de voir le Christ, la Vierge, les saints. C'est l'Église, en fait. C'est l'Église céleste. C'est l'Église qui donne justement cette participation. Mais peut-être qu'il faut décrire cette iconostase. Le centre de l'iconostase, très rapidement, c'est le Christ en gloire, le Christ en majesté, trônant. Donc c'est vraiment celui devant qui on célèbre cette liturgie. Et il est entouré des anges et de toute la multitude des saints. Alors, en premier lieu, la Mère de Dieu et Saint Jean-Baptiste et tous les saints selon leur catégorie. Et le fidèle, lui, il est incorporé dans ce programme. Donc en fait, on n'a pas l'impression d'une séparation. On a l'impression justement de se greffer à cette iconostase. Moi, je plains beaucoup les prêtres qui ne voient pas l'iconostase. Parce que l'icône, elle aide à la prière. Parce que ces saints qui sont tournés vers le Christ, ils ont un geste de prière. Ils sont eux-mêmes dans leur corps. La façon même de représenter leur corps de façon ascétique, débarrassée de ce qui est charnel, montre qu'ils sont totalement dans la prière. Mmh. Ils sont porteurs de la lumière divine par laquelle on n'accède que par la prière. D'ailleurs, dans l'iconostase, Père Tchernokrak, parce que les fidèles n'y rentrent pas, donc on ne voit pas, il y a aussi des icônes à l'intérieur, oui, dans le sanctuaire, pour aider la prière du prêtre lui-même. Ce qui est très beau, l'abside, n'est-ce pas, c'est un lieu, espace, je dirais, eschatologique. L'espace est un peu, on déborde, n'est-ce pas? On est en dehors du temps, d'une certaine manière. Voilà. Et donc, dans l'abside, enfin, justement, on a parlé tout à l'heure avec Grégoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'abside? Dans l'abside, il y a le Christ de Parousie. Le Christ, c'est lui qui vient vers l'Église. Et je dirais d'avoir. Vous sentez ça, vous, quand vous célébrez? Oui, je dirais, c'est une des choses vraiment graves que notre christianisme, je dirais même dans le monde orthodoxe aussi, et dans que nous avons oublié cet espace que nous appelons abside. Parce que dans cette abside, il y avait le Christ de Parousie. C'est lui qui vient vers le peuple. Le peuple entre dans l'Église et le Christ va vers nous. Et donc, d'avoir cette rencontre entre le Christ, celui qui vient, n'est-ce pas, et le peuple qui entre, cette rencontre entre le Christ, celui qui est notre sauveur, quelque part, celui qui dévoile, je dirais, la miséricorde divine, et de voir cette mouvement, double mouvement du peuple qui vient vers le Christ et le Christ qui vient vers le peuple. Et donc, l'abside, c'est un peu. Et donc tout le monde est tourné vers le Christ, le prêtre ainsi que l'assemblée. Et donc ça c'est un moment, je dirais, central pour la liturgie. Donc tout le monde va vers et le prêtre, étant donné que c'est lui qui se tient le premier comme pasteur, qui celui qui guide, donc il va vers. Et donc je pense que ça c'est important de souligner ce mouvement à l'intérieur de l'Église pendant l'office. Et tout cela porté par le chant. D'ailleurs, les chorales, les chanteurs sont avec les fidèles, hein, dans la nef. Bogdan, et vous avez voulu nous présenter un chant byzantin en français. Voilà, on a écouté un chant polyphonique tout à l'heure, et maintenant nous vous proposons un chant byzantin. Donc c'est la musique traditionnelle la plus ancienne de l'Église orthodoxe, qui a été développée dans l'Empire byzantin. C'est pour cela qu'on l'appelle chant byzantin. C'est un chant monodique. On a peu l'habitude de ce type de chant en Occident, donc j'essaie justement de le faire connaître à travers l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Et surtout, on a la chance d'avoir maintenant un chant byzantin en français. Ce sont les moines du monastère Saint-Antoine le Grand, qui se trouve dans le Vercors, et qui chantent avec leur frère moine du Mont Athos, du monastère Simonos Petra, le début d'une psaume, parce que les psaumes de David ont aussi un rôle très important dans la liturgie orthodoxe. Oh, c'est un chant byzantin en français, donc on pouvait bien comprendre les mots. C'est très important pour un orthodoxe aussi de comprendre les paroles du chant liturgique, parce qu'il y a toute une catéchèse extraordinaire et toute une théologie qui est transmise par ce chant liturgique. Et donc c'est pour cela qu'ils ont fait un très bon travail de traduire ce texte en français, d'adapter cette musique orientale au texte français, et on voit bien qu'ils ont réussi. Ce sont eux qui ont commencé fin des années 80, mais maintenant il y a plusieurs spécialistes de la musique byzantine en France, en Belgique, qui travaillent sur ce sujet-là. Bien sûr, en France, il y a des paroisses qui utilisent des diverses langues liturgiques, le grec, le slavon, le roumain, l'arabe, parce qu'il y a aussi les paroisses du patriarcat d'Antioche. Mais il y a de plus en plus de paroisses qui préfèrent le français, justement parce qu'on est en France, et le français permet à tous les chrétiens orthodoxes de comprendre le texte. Par exemple, la paroisse du père Nicolas Cernocrac utilise les deux langues, le slavon et le français. La paroisse roumaine Saint-Paracel-Saint-Geneviève, qui se trouve dans la crypte de l'église Saint-Sulpice, aussi essaye d'alterner les deux langues, le roumain et le français. Comme ça, permettant au un plus grand nombre des fidèles de comprendre le signification du texte liturgique. Avec vous, Bogdan, avec le père Cernocrac, avec Grégoire Aslanov, eh bien, on met un peu un pas dans le ciel, hein, d'une certaine manière, avec cette liturgie orthodoxe. Cette question de la langue, père Cernocrac, c'est vrai que toute la liturgie, on l'a dit, la liturgie byzantine, elle s'enracine dans les siècles, 1500 ans. On parle beaucoup de slavon. Le slavon, langue ancienne. Est-ce que pour vous aujourd'hui, dans le monde contemporain, c'est difficile pour le prêtre, du coup, de faire vivre cette prière aux fidèles, ou est-ce que les fidèles comprennent, s'associent? C'est qu'il y a tout un débat d'une certaine manière. Oui, hein, je pense langue. Que vous touchez vraiment la question essentielle. Moi, je suis très sensible. D'une part, je suis très sensible à cette langue liturgique slavon, que je dirais, c'est une langue iconique. Si vous voyez qu'est-ce que ça signifie ces mots, c'est une langue très imaginée, et donc c'est typologique, c'est une langue presque poétique. Il a une valeur. Mais aussi, je veux vous dire, je suis très sensible à la parole dite en français. Je dirais que nous, les orthodoxes, et ça, je le dis avec toute sincérité, vous voyez, mon accent me trahit. Donc, je suis pas né en France, je suis né en Croatie. Et donc, mais de prier en français, d'embrasser cette langue, que cette langue devienne pour nous une langue presque comme le pain, pour le manger, et pour prier cette langue, c'est très important pour nos fidèles. Je suis très sensible de passer d'une langue vers l'autre langue en gardant quelque part l'unité, parce que c'est pas la langue qui est l'important. Il est important, n'est-ce pas, parce qu'il garde, nous le gardons dans nos tripes, ces langues. Mais c'est le contenu de langue qui est important. Donc, je pense que chaque langue de ce monde a son génie. N'est-ce pas? Mais il faut ouvrir avec une petite clé les mots que nous prononçons. C'est le contenu qui compte. Donc, si nous le disons à une langue qui est incompréhensible, il faut arrêter. Donc, la liturgie n'est pas magie. La liturgie, c'est d'entrer dans le contenu, dans l'esprit, n'est-ce pas? Et la langue n'est que la forme. Et c'est très important. On ne le rejette même pas. Même si dans la liturgie orthodoxe, enfin, j'ai pu lire ça, vous allez me dire si c'est vrai, on considère la liturgie, moi, comme un enseignement ou un moment de formation, mais plutôt justement comme une manière de vivre avec Dieu. Je pense que la liturgie, c'est une proclamation du royaume de Dieu. Et on la proclame parce que confession de la foi. Et donc, la langue, c'est indispensable. Il faut que cette langue devienne saisissable, compréhensible, qu'on transmet avec cette langue, qu'on confesse, comme disait Grégoire. Grégoire Aslanov, oui. Je crois qu'on peut rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la place, par exemple, évoquer être plus concret en disant, par exemple, que la liturgie à 80% est alimenté par les psaumes, qui sont ces prières, ces cris de désespoir, de joie, de louange. Et puis le reste, c'est de la prédication par rapport au mystère que l'on vit dans l'Église, à l'histoire du salut, au mystère de l'incarnation et du salut qui en découle. Et il y a une énorme part de proclamation, de confession de la foi et de messages théologiques très forts. en poésie d'ailleurs, parce que c'est quand même, ce sont des formes poétiques qui ont été élaborées en grec, dans, vraiment sous des formes poétiques. C'est pour ça que vous dites que le slavon est poétique, mais c'est parce que il vient du grec et que c'était des poètes qui écrivaient ces hymnes, qui sont normalement, enfin, très riches d'enseignements théologiques. Ça, c'est très important, et je crois que si on a la chance de bien connaître ces langues, ou bien de l'entendre dans sa langue maternelle, vernaculaire, là, on a déjà un enseignement théologique. Mmh. On peut être nourri par cette liturgie. Bogdan? Oui, je veux dire que l'Église orthodoxe a bien compris ce problème, l'importance que les fidèles comprennent bien les paroles des hymnes liturgiques, et que ça se passait beaucoup avant le Concile Vatican II. Donc, par exemple, dans l'Église roumaine, on utilise la langue vernaculaire déjà depuis 3 siècles et demi. Et le slavon a été introduit avec l'accord du patriarche de Constantinople vers la fin du premier millénaire déjà, pour permettre aux Slaves qui venaient de se convertir au christianisme justement de comprendre les paroles de la liturgie. Mmh. Donc, il y a ce souci donc de pouvoir se faire comprendre et en même temps le respect de la tradition, hein, bien sûr, qui garde et l'ensemble de cette liturgie. Alors justement, Bogdan, vous parliez du Concile Vatican II. Nous sommes avec Christophe Levallois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur du site orthodoxie.com, également étudiant en théologie à l'Institut Saint-Serge, et vous avez également un métier, vous êtes enseignant en histoire-géographie. Oui. On évoquait là le Concile Vatican II, et en même temps, certains auditeurs ont pu découvrir que la liturgie orthodoxe, en tout cas la liturgie de Saint-Jean Chrysostome par exemple, ou de Saint-Basile, oui, s'ancre dans les siècles. Qu'est-ce que catholiques et orthodoxes peuvent-ils échanger autour de la liturgie pour que ça soit fructueux? De votre point de vue? Je pense que la liturgie orthodoxe permet aux catholiques de redécouvrir leurs propres racines. Le catholicisme s'ancre, de mon point de vue, dans l'Église indivise, qui est à la fois catholique et orthodoxe. Et donc, dans cette... finalement dans cette plongée à travers les siècles, parce que l'Église orthodoxe, par la liturgie, a maintenu cette tradition, cet héritage plurimillénaire, et donc permet à des occidentaux justement de retrouver leurs propres racines, à une époque où règne très souvent la confusion. Donc déjà retrouver ses racines, c'est vrai que c'est un point d'unité fort là. C'est un point d'unité extrêmement fort, et qui est, je crois, profitable à tous. Ça permet vraiment de s'ancrer dans la foi. Et alors en même temps, ce que je voulais dire en écoutant l'émission, c'est que la liturgie est une œuvre commune, ainsi qu'on le dit, mais une œuvre qui est vraiment cosmique. Je crois qu'il rassemble tout le cosmos, visible et invisible, passé et présent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de cosmos? Parce qu'aujourd'hui, justement, souvent on parle des astres, mais c'est pas forcément pour parler du christianisme. Ah oui, enfin pas les astres, c'est-à-dire pas les astres physiques. Enfin, c'est l'ensemble à la fois de la nature, du monde créé, qui se rassemble. Alors tout à l'heure, il a été évoqué le ciel, la terre, les vivants, ceux qui se sont endormis dans le Seigneur. Toutes ces personnes-là, finalement, je crois, les croyants et puis aussi les non-croyants qui sont reliés peut-être aussi à nous dans cette liturgie-là, que l'on relie à nous pour nous présenter au Seigneur, en quelque sorte, et entrer par étapes, par cette montée qui est la liturgie, en communion avec le Seigneur. Il y a là un mystère, c'est sans doute, je crois, le mystère central de la liturgie, c'est que nous venons d'horizons différents, il y a toutes ces personnes qui se rassemblent, qui sont à la fois différentes, et qui réalisent au cours de la liturgie, qu'elles sont aussi unies au plus intime par quelque chose qui, tout en respectant leurs différences, les amène à l'unité. Alors on a beaucoup parlé de beauté à travers l'icône, à travers le chant, à travers tout le déroulement de cette divine liturgie ou de la liturgie orthodoxe en général. Vous, Christophe Levallois, vous souhaitez aussi dire attention à l'esthétisme, attention à l'émotion, d'une oui, certaine manière, qu'on peut ressentir quand oui, on ne connaît pas. Oui, effectivement, parce que l'esthétisme, c'est s'arrêter à la forme. Et la forme doit, me semble-t-il, nous conduire à l'essence, nous conduire à cette expérience qui se réalise au plus profond de nous-mêmes. Si l'on s'arrête à la forme, on peut aussi, me semble-t-il, se dévier vers l'idolâtrie. Mmh. Mmh. Et c'est un danger. Je conçois personnellement la beauté. Il y a un mot grec, kalos, qui signifie à la fois beau et bon. Finalement, la beauté, c'est ce qui nous permet d'aller vers le Seigneur. C'est une beauté intérieure, pourrait-on dire, qui nous ouvre au royaume et à cette expérience du royaume. Et je crois qu'il n'y a de véritable beauté qu'en relation avec Dieu. Christophe Levallois, merci beaucoup pour votre participation, contribution à cette émission. Je rappelle que vous êtes animateur du site orthodoxie.com, bien sûr, que l'on peut retrouver sur Internet. Père Cernocrac, il faudrait des heures pour rentrer dans cette liturgie orthodoxe, décrire pas à pas le déroulement d'une divine liturgie. Il y a ces mouvements du prêtre entre ce sanctuaire, l'iconostase et puis la nef, la participation des fidèles. On retiendra peut-être ce terme de mystère, c'est peut-être sur ce point qu'on pourrait conclure, le mystère qui habite sans cesse les fidèles orthodoxes au cours de ces liturgies, cette prière. Le mystère, c'est pas seulement le mystère. Le mystère, c'est quelque chose qui révèle, n'est-ce pas? Le mystère, dans le langage biblique, c'est une révélation. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est bétonné, c'est quelque chose qui fait vraiment découvrir, connaître. Donc c'est à travers toute notre existence. Mais peut-être juste un petit mot, je dirais, qu'est-ce que liturgie célèbre, n'est-ce pas? Je dirais tout d'abord, on n'a pas peut-être eu beaucoup de temps, et célèbre la parole de Dieu, n'est-ce pas? La parole de Dieu révélée. Et c'est la parole, n'est-ce pas, qui nous conduit vers les mystères. C'est la parole biblique, c'est la parole de cette transmission, de cette tradition. Et je pense que nous avons besoin, n'est-ce pas, pour découvrir les mystères, de la parole. Mmh. Espace entre terre et ciel, disait Vladimir, nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur terre, car il n'y a pas sur terre de tels spectacles ni de telles beautés. C'était en 987, c'est le prince Vladimir qui faisait ce rapport, et c'est dire combien à travers les siècles, eh bien, cette beauté de la liturgie a perduré, pas pour elle-même, mais bien sûr pour célébrer avec le ciel cette présence divine. Merci beaucoup, Père Cernocrac, d'avoir été parmi nous, Grégoire Aslanov. Père Cernocrac, je rappelle que vous êtes recteur de la paroisse Saint-Séraphin de Sarov, dans le 15e à Paris. Grégoire Aslanov, historien de l'art au CNRS et peintre d'icônes. Et puis, bien sûr, Bogdan, qui nous a accompagné au cours de cette émission. Merci pour le choix des pauses musicales. Je rappelle que vous êtes journaliste et animateur de l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. C'est tous les dimanches sur notre antenne à 17h. Très bon début de semaine. Et puis demain, on parlera de l'action de nos frères protestants dans le domaine social. À demain.